Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, cap en Belgique et retour dans le temps en 1943, pendant la guerre, dans un pays sous la botte de l'Allemagne nazie. En Belgique occupée, la résistance est active. Les publications clandestines se comptent par centaines, de la simple feuille rayonnotypée jusqu'aux journaux quasi professionnels. Et puis, il y a la presse officielle. En particulier en Belgique francophone, c'est Le Soir, le grand quotidien de la famille Rossel, sur lequel les Allemands ont mis la main dès les premiers jours de l'occupation au printemps 1940. Ce soir volé, ce soir soumis aux boches, en boche, comme on dit alors, va être l'objet d'une formidable parodie. Le 9 novembre 1943, une poignée de résistants ridiculise l'occupant en publiant un pastiche du journal. Taille, caractère, rubrique, signature, tout y est. Il sera largement diffusé en lieu et place du vrai, au nez et à la barbe de l'occupant, suscitant en Belgique un immense éclat de rire et apportant à la population un grand souffle de liberté. C'est donc l'histoire de ce faux soir que nous vous racontons aujourd'hui. Histoire d'hommes et de femmes debout qui combattirent avec une arme qui ne fait pas couler le sang, mais néanmoins redoutable et spécialité de la Belgique en temps de paix comme en temps de guerre, l'humour. Notre invité aujourd'hui, Daniel Couvreur, journaliste au Soir, où il dirige le service culture et par ailleurs co-auteur de la bande dessinée Le Faux Soir, publiée l'an dernier chez Futuropolis. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Odile Conseil, coordination Christophe Barrère, réalisation Céline Hila. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. ...1943, Bruxelles. Voici Marc Aubryon, le premier protagoniste de cette aventure. Il est jeune, une petite trentaine, c'est selon le mot d'un proche, un grand échalas nerveux et enthousiaste. Il a envie d'en découdre avec les Allemands. Par l'intermédiaire d'un ami, il entre en contact avec René Noël, l'un des chefs du Front de l'Indépendance, mouvement de résistance intérieure en Belgique. René Noël, alias Jean, dans la Résistance, embauche Marc Aubryon, qui dans la clandestinité répondra désormais au seul prénom de Yvon. Il travaillera dans un atelier où sont imprimés des journaux clandestins. Il le raconte ici, dans un texte écrit après-guerre. Place du Grand Sablon, devant la façade obscurcie d'un café, je fus mis en rapport avec Georges, mon adjoint, chargé de me conduire sur le champ à l'imprimerie où se déroulerait le plus clair de mon activité. Je suivis mon guide qui, avec enthousiasme, m'entretint aussitôt de ses occupations. Il était typographe et se consacrait uniquement à la presse clandestine. Malgré la nuit épaisse du blackout, nous atteignîmes bien vite notre destination. Une maison basse dont la porte s'ouvrit immédiatement à un signal rythmé contre une des fenêtres. Après quelques pas au long d'un couloir bourré d'ombre, je pénétrai dans l'imprimerie Place, un des repères particulièrement actifs du FI. Yvon déménage pour s'installer dans une chambre chez un couple avec qui il n'a aucun échange. C'est la règle fixée pour les clandestins. Il passe l'essentiel de ses journées à l'imprimerie, où il rédige, relie et imprime, entre autres, le bulletin national de la Résistance, le BULA, le principal organe de liaison du Front d'Indépendance. Et voilà qu'un jour d'octobre, son œil est attiré par un appel à l'imagination. Le 11 novembre approche, il s'agit pour les responsables de la Résistance de célébrer les 25 ans de la libération de la Belgique, fin de la Première Guerre mondiale. Pour faire de cet anniversaire un moment fort, toutes les suggestions sont bienvenues. Alors, que faire? Quoi inventer pour faire de ce jour-là la nique aux Allemands? L'esprit de Marc Aubryon, Yvon, se met alors en mouvement. Mais éloignons-nous un moment de ce personnage et reprenons du chant « Zoom arrière sur la Belgique ». Cela fait plus de 3 ans maintenant que les Allemands occupent le pays. L'automne est tombé sur la capitale et en ce mois d'octobre 43, l'ambiance est morose. Comme le rappelle un documentaire de la RTBF de 1973 consacré au faux soir, signé du réalisateur Jacques Cognot et du journaliste Michel Fonsen. Dans la grisaille de cet automne 43, il fallait se faire une raison, se faire à l'idée de passer encore un hiver, le dernier espérait-on, sous l'occupation, un hiver sans charbon, ou presque. La Belgique est occupée, l'hiver s'annonce rigoureux, les privations se font durement sentir, mais tout le monde ne baisse pas les bras. Aux côtés des journaux officiels, la presse clandestine se porte bien. Il peut s'agir de simples feuilles renéotypées qui paraissent une fois par mois, mais aussi de journaux comportant plusieurs pages soigneusement imprimées. Ils ont pour titre Churchill Gazette ou Chute, sans eux, à Liège, par exemple. Mais il y a aussi l'Insoumis, le Drapeau Rouge, le Monde du Travail, etc. On dénombrera jusqu'à 650 titres, parfois éphémères. Le documentaire presse cité de Jacques Cognoux et Michel Franssen revient justement sur la vitalité de cette presse libre, qui, au-delà de ceux qui la rédigent et l'impriment à l'abri des regards, met en œuvre une multitude d'individus, résistant à leur façon, qui en assurent la distribution et la diffusion par tous les moyens. La population entière doit être complice de ceux qui se jouent de la Gestapo. Les Belges les trouvent glissés sous les portes, dans leurs poches, dans les poubelles, dans les paniers à provisions, dans le livre qu'ils empruntent, dans le dossier que leur remet un collègue. C'est une vague puissante qui répand sur le territoire occupé la confiance, l'espoir dans la victoire tant attendue. Face à ces publications de l'ombre, il y a les journaux embauchés, entendez, tenus par les boches. Il peut s'agir de journaux créés de toutes pièces pour appuyer le nouvel ordre européen voulu par l'Allemagne nazie, comme le quotidien L'Avenir. D'autres titres préexistants, souvent marqués à droite, voire très à droite, acceptent avec enthousiasme les nouvelles règles. Le meilleur exemple en est le Pays Réel, le journal créé en 1936 par Léon de Grelle, principale figure collaborationniste de Belgique, tout dévoué à l'occupant. Son titre de gloire sera de réussir à se faire nommer Volksführer des Wallonen, chef du peuple wallon et général SS. Illustration. Avec cet extrait d'un discours de Léon de Grelle en 1943, diffusé dans l'émission La Marche de l'Histoire en 2011. Nous sommes avec Hitler parce que nous croyons à son génie et que de son génie sortira enfin ce que les efforts dispersés de 20 peuples d'Europe pendant 1000 ans, n'avait pu réaliser encore. Et puis il y a les titres sur lesquels l'occupant a mis la main, les titres volés. C'est notamment le cas du Soir, le principal quotidien belge francophone, dont la propriétaire, Marie-Thérèse Rossel, a refusé de collaborer avec les nazis et s'est vue en conséquence expropriée. La plupart des journalistes ont alors cassé leurs crayons et quitté ce journal devenu le Soir volé ou le Soir embauché, rédigé à présent par des plumes serviles. Revenons maintenant à Yvon, de son vrai nom, rappelons-le, Marc Aubryon. Depuis qu'il a vu passer l'appel à idées lancé par le bulletin national de la Résistance, son cerveau s'est mis en action. Imprimer des affiches à placarder un peu partout sur les murs de Bruxelles et de Wallonie, elles seraient trop vite arrachées, cela n'aurait pas d'impact durable. Non, il faut imprimer quelque chose que les Belges pourront emporter, conserver, voire se passer sous le manteau. Yvon pense d'abord à écrire un article satirique et se débrouiller pour qu'il soit publié dans le Pays Réel, le journal collabo de De Grelle. Mais non, ça ne va pas. Seuls les amis de De Grelle le verraient. Le Pays Réel ne titre alors qu'à 16 000 exemplaires. Une misère. Non, il faut viser plus large, toucher le maximum de monde. Ça y est, il tient à son idée. Pourquoi ne pas publier un faux Soir? Bon sang, mais c'est bien sûr. Il faut pirater le quotidien le plus vendu de Belgique francophone, diffusé chaque jour à 250 000 exemplaires. Yvon explique sa stratégie. Le Soir bénéficiait toujours et malgré tout de l'immense prestige qui avait entouré le journal de la famille Rossel. Quoi qu'il fût exploité par des traîtres, on l'achetait machinalement, en vertu d'une ancienne sympathie, sans éprouver cette légère honte ressentie lors de l'achat d'autres titres dont les noms n'évoquaient que trahison. De tous les organes nazéifiés, le Soir demeurait, et de fort loin, le plus demandé. Bien, mais comment fabriquer un faux Soir? Dans un premier temps, l'idée paraît un peu folle à René Noël, le premier informé de la lumineuse idée de Marc Aubryon, qu'il a embauché dans la Résistance, alors embauché à U pour le coup. Il le raconte 30 ans plus tard, au micro de Michel Franssen, dans un documentaire de la télévision publique belge. Je lui étais venu la nuit, Il avait imaginé de lancer ce faussoir à l'occasion du 11 novembre. Et il avait même déjà un article en poche qu'il avait rédigé pour la circonstance. C'était une idée un peu folle, non? C'était un peu fou. Vraiment, un tout premier réflexe, c'était de la repousser. Et vous, en tant que patron, vous l'avez finalement accepté? On l'a accepté. Évidemment que c'était une belle affaire, c'était quelque chose d'enthousiasmant, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais on ne sait pas dissimuler les obstacles. C'était fort important. Surtout, il y avait notamment le temps, n'est-ce pas? Nous étions le 20 octobre, il fallait que ça sorte pour le 11 novembre, on avait donc une vingtaine de jours, ce qui était vraiment fort peu. Mais une vingtaine de jours seulement pour relever plusieurs défis. D'abord, écrire des articles. Même si le soir, à cette époque, c'est juste un recto verso, il est grande taille et très densément rempli. Ensuite, il faut se procurer le flanc du soir. C'est-à-dire l'empreinte du titre de journal essentiel pour que le faux ait l'air vrai. Il s'agit également de trouver un imprimeur et du papier. Il est décidé d'en imprimer 50 000 exemplaires, 5 000 pour les kiosques de Bruxelles, le reste pour les différentes provinces de Belgique francophone, le Hainaut, le Brabant, Namur, etc. Et puis il faut organiser la distribution dans les kiosques, les aubettes, dit-on à Bruxelles, en lieu et place du soir embauché. Mais une bonne fée veillait sans doute sur ce faux soir, car un à un, tous les obstacles seront levés. Le projet est accepté par les responsables du Front de l'Indépendance, mais le temps est compté, on l'a dit. La machine doit rapidement se mettre en marche. D'abord, rédiger les articles. Ce sera essentiellement l'affaire de trois personnes. L'avocat Pierre Anciot, le baron et procureur du roi Adrien van den Brandenberet. L'un et l'autre écrivent par ailleurs régulièrement dans Justice Libre, l'organe clandestin du monde judiciaire. Le troisième homme, c'est Fernand de Magny, le secrétaire général du Front de l'Indépendance, dont il est aussi l'un des fondateurs. Pour lui, ce faux soir a un goût particulier de revanche sur les journalistes aux ordres qui écrivent désormais dans le quotidien. Et il le rappelle dans le documentaire de Jacques Cognot et Michel Francel en 1973. Avant la guerre, j'étais au vrai soir. Je reprenais en réalité mes fonctions, mais d'une façon plus humoristique que dans le cadre du vrai soir, qui est un journal extrêmement sérieux, comme vous le savez tous. Ça devait donc être extrêmement excitant de pasticher un journal comme le soir. Oui, d'autant plus que ce soir volé était un journal ridicule, fait par des journalistes marrons, que nous détestions tous. Et nous avions une petite revanche personnelle à prendre sur eux. Il s'agit donc de pasticher le soir officiel en se moquant tout à la fois d'Hitler et des collabos, et en célébrant, en ce 25e anniversaire du 11 novembre 1918, la défaite de l'Allemagne et la libération de la Belgique. Ici, pas de ton guerrier patriote, mais de l'ironie cinglante, de l'humour rageur et ravageur. À la une, une photo montre un bombardier américain en pleine action et une autre d'Hitler se lamentant. « Je n'ai pas voulu cela. » Plus loin, un communiqué allemand annonce qu'un nombre considérable de bombardiers anglo-américains a exécuté des attaques massives sur des villes allemandes, galvanisant une fois de plus notre industrie de guerre et le moral de nos populations. Sous la photo en une, l'article titré « Anniversaire » est signé Raymond de Becker, le rédacteur en chef placé à la tête du soir volé par les Allemands. Je souhaite expliquer en premier lieu pourquoi je ne regrette pas d'avoir, dès septembre 1940, collaboré au journalisme d'occupation. Comment regretterais-je, en effet, cette fructueuse période? Comment aurais-je notamment des remords vis-à-vis des propriétaires du journal, dépossédés manu militari pour mon plus grand profit et celui de ma clique de folliculaires stipendiés. Il faut que tout le monde vive. J'affirme ensuite combien il est légitime pour un Belge de jouer la carte allemande. Jusqu'au jour toutefois où la victoire changera de camp. Les articles imitent le style ampoulé qui était celui des rédacteurs du soir. Exemple. Sous le titre du décrochage à la victoire préventive, on peut lire ceci. Il est grand temps que nous mettions de l'ordre dans nos idées, parmi lesquelles les événements, par leur précipitation même, ont une fâcheuse tendance à créer un désarroi hautement préjudiciable à une saine compréhension du déroulement normal de cette guerre délibérément totale. Moins journalistique tu meurs. Un anti-modèle pour les apprentis journalistes. Dans la même veine, l'article Stratégie efficace parodie la prose trabiscotée de Maurice Georges Olivier, journaliste collabo, qui répercute auprès du bon peuple les communiqués de la propagande Staffel. On ne dissimule pas à Berlin, où le calme apparent voile une certaine anxiété non dénuée de quelques vagues espoirs que les opérations de l'Est sont entrées, ou vont entrer prochainement, selon l'angle où l'on envisage la situation. Dans une phase nouvelle qui ne se différenciera guère de la précédente en dépit de certains changements. On peut dire, sans crainte d'être démenti même par la propagande de Moscou, que la campagne d'hiver fait suite à la campagne d'été grâce à la campagne d'automne. 30 ans plus tard, Adrien von den Brandenburg se rappelle avec bonheur cet exercice un peu particulier qu'est la parodie, toujours dans le documentaire de la télévision publique belge en 1973. J'ai pas eu un moment d'hésitation. J'étais dans la situation vraiment du combattant auquel on confie une arme dont il ne s'est jamais servi. Mais je me souviens, donc c'était le samedi 24 octobre, et j'ai passé, je crois, une grande partie de ma journée du dimanche à écrire à la suite les articles. L'article de Raymond Becker, le leader au fond du Fossoir. L'article de Maurice Georges Olivier, Stratégie efficace, avec le communiqué allemand. Et alors encore un feuilleton signé Gestapo, le mystère de la chambre brune. Rien n'échappe à la plus mordante de ces rédacteurs d'un jour. Ainsi, dans la rubrique cinéma qui annonce les films suivants, peut-on lire L'insubmersible avec toute la flotte britannique. L'évacuation avec la Wehrmacht au grand complet. Catastrophe sur l'Allemagne avec les forteresses volantes. Adolphe aux tranchées, audacieux film d'arrière-garde où la vedette ne paraît point. Les petites annonces ne sont pas en reste. Corbillard à vendre, conditions spéciales pour famille traître et collabo. Ou bien celle-ci, peau de l'URSS vendue trop tôt, toujours disponible chez Adolf Hitler. Ou encore, l'hiver approche et les événements en marche. Collaborateurs, faites retourner vos vestes chez le tailleur opportun. 5 bis rue de l'heureuse transition, Bruxelles. Dans ce festival de moqueries, un seul article sérieux, un appel du front de l'indépendance, qui commence ainsi. Nous sommes en première ligne sur le plus immense des fronts. Nous sommes en première ligne depuis le jour où nous avons senti monter en nous, brûlante comme une lave, notre passion de justice et notre haine de l'envahisseur. De ces sentiments est né le front de l'indépendance. Le texte appelle notamment tous les patriotes à redoubler d'ardeur dans la lutte, à se grouper, à s'organiser, partout, dans les villes, les villages, à l'usine et au bureau. Subtil mélange d'humour et de gravité. Dans la misère, traînent et durent les forçats d'honneur. Ils luttent, ils meurent, mais la mort ni l'horreur n'ont raison de la flamme dans leur cœur. La haine des nazis. Leur bestialité fait terreur, mais fiers de nos luttes, de nos joies, nos douleurs, nous portons en nous-mêmes le bonheur. La haine des nazis. Affaires sensibles, sur France Inter. Alors c'est une chose d'écrire, bien sûr. Encore faut-il imprimer. Alors déjà, mettre la main sur du papier pour sortir les 50 000 exemplaires prévus, c'est certes 5 fois moins que le tirage quotidien de l'autre soir, l'officiel, mais quand même. Et puis il faut trouver tout ce qui fera que le faux soir aura exactement l'apparence d'un vrai. Et ils sont plusieurs à s'y mettre. Théo Mullier, un résistant, membre du Front de l'Indépendance, travaille à l'imprimerie du soir, c'est lui qui fournira le fameux flanc, l'empreinte du titre. C'est lui aussi qui indiquera les principaux points de vente du soir à Bruxelles, ce qu'il faudra livrer en priorité, ainsi que l'itinéraire des camionnettes de livraison. Enfin, il faut un imprimeur, ça c'est pas le plus facile. Georges, Pierre Ballancourt pour l'état civil, l'ouvrier imprimeur qui travaille avec Marc Aubryon, raconte des années après, dans un film de Willy Esterzone et Philippe Delporte sur le faux soir, réalisé en 1993, un demi-siècle après les événements. La question d'imprimer, imprimer sur des presses plates, comme ils en avaient parlé, c'était pour ainsi dire pas possible. Parce que ça prenait trop, beaucoup trop de temps, les machines allaient trop lentement en ce temps-là. Hein. Imprimer 50 000 exemplaires recto verso exige donc une rotative. Un imprimeur, l'histoire n'a pas retenu son nom, qui a proposé ses services à la Résistance, est approché par Marc Aubryon. L'homme semble enthousiasmé par le projet. Il doit simplement consulter son épouse, qui travaille avec lui. Et il donnera rapidement sa réponse. D'ailleurs, c'est oui, c'est promis. Las, la réponse arrive 2 jours plus tard, l'homme se dégonfle. Heureusement, Pierre Ballancourt, l'ouvrier imprimeur, connaît quelqu'un qui pourrait peut-être... Alors, je me suis chargé de trouver un imprimeur. Et c'était Ferdinand Valens, qui était un ami de mon père, et qui est tombé d'accord pour... D'abord pour faire la composition, pour trouver des caractères qu'il fallait trouver en dehors de son imprimerie, pour ne pas la reconnaître, et les caractères des titres également. Parce que sinon, on repérait directement ses caractères. Et alors, par après, il a accepté de faire l'impression. Avec sa longue barbe et ses lunettes rondes cerclées de noir, Ferdinand Wens, l'imprimeur, fait bonne impression. Mais c'est d'abord un résistant. Imprimer le faux soir, d'accord, mais à une condition. Hors des horaires de travail, avec des ouvriers rotativistes prêtés par la Résistance, il ne veut pas mettre ses propres ouvriers en danger. Le papier, il peut le fournir. Son stock est suffisant pour que les Allemands lui commandent régulièrement des travaux d'impression et qu'il ne se rend compte de rien. Ferdinand Wens ne veut pas de rémunération pour son travail, ni pour l'usage de la rotative, non. Il demande seulement 1 franc belge par exemplaire, c'est le prix coûtant, celui du papier et de l'encre. Il faut donc trouver 50 000 francs. C'est à ce moment-là que nous faisons la connaissance d'André Grandjean. C'est une femme, elle est avocate à la Cour d'appel, résistante, membre du Front de l'Indépendance et adhérente depuis peu au Parti communiste. Elle écrit aussi régulièrement dans le mensuel Justice Libre. Elle est de toutes les réunions concernant le faux soir et elle se fait fort de trouver la somme nécessaire. 24 heures plus tard, elle revient en effet avec une enveloppe qui contient les 50 000 francs nécessaires et indispensables pour lancer la fabrication. Cet argent, André Grandjean l'a obtenu auprès d'Albert Foucroy, un chef d'entreprise, par ailleurs responsable d'un réseau d'évasion de pilotes alliés. Et voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. C'est parti pour le faux soir du 11 novembre. Mais il y a un problème, ce jour-là est férié. Tradition historique qu'étonnamment les Allemands ont maintenue alors qu'il s'agit tout de même de commémorer leur défaite. Enfin, toujours est-il qu'un jour comme celui-là, les ventes sont moindres, on ne se bouscule pas au kiosque en sortant du travail. Eh bien, qu'à ça ne tienne, ce sera le 10, la veille. Mais il y a encore un problème. Le 10 novembre tombe un mercredi. Or, ce jour-là, le soir est imprimé non pas sur 2 pages, mais sur 4, en raison de la publication des cours de la Bourse. Et 4 pages, c'est impossible dans le temps et avec l'argent imparti. Ce sera donc le 9, avec 2 jours d'avance sur l'anniversaire de l'armistice. Comme convenu, Le journal est imprimé chez Wellens au cours du week-end des 6 et 7 novembre. Le dimanche, à 5 heures du matin, les 50 000 exemplaires sont prêts. Ultime et indispensable précaution, tous voient leur bord rogné, car l'impression sur une rotative crée des denclures spécifiques à chaque machine. Auquel cas, ce serait une signature. Il suffirait qu'un exemplaire non rogné tombe entre les mains des Allemands pour que ceci remonte toute la chaîne. Le 8 novembre, des paquets de faussoirs sont déposés dans les lieux proches des différents kiosques et aux bêtes pour faire office de dépôt provisoire. Il s'agit essentiellement de café, les bons enfants, le counter string, le café de l'horloge. Jean Place, l'imprimeur clandestin chez qui Marc Aubryon travaille, a fait imprimer, lui, des bandes de papier qui entourent les 100 exemplaires destinés à chaque kiosque, donc un tas moins épais que les 250 habituels et portant cette mention. Par suite d'une panne, le reste sera livré à 18h. Il ne faudrait pas en effet que les kiosquiers se posent des questions. Et nous voilà le 9 novembre, le jour J. Les journaux sont livrés dans les différents dépôts, les coursiers qui doivent les déposer devant les aubettes sont au rendez-vous. Bref, tout est prêt. Ou presque. Pour assurer la livraison du faussoir avant le soir officiel, il convenait de retarder l'impression et la distribution de ce dernier. Pour ce faire, nos héros avaient tout prévu. Ils avaient fait passer un message à Londres, demandant d'envoyer une escadrille qui causerait une alerte, tout le monde irait alors aux abris et l'impression du soir volé serait retardée d'autant. Mais cette fois, il joue de malchance, comme le raconte René Noël dans un texte relatant l'histoire du faussoir. Nous nous mettons en rapport avec Londres. Nous demandons un survol de Bruxelles le 9 novembre à 14h. Ce jour-là, nous ne voyons rien. Mais le lendemain, à l'heure demandée, une escadrille survole la capitale à basse altitude. Y a-t-il eu erreur ? Nous n'en saurons jamais rien. Une deuxième ceinture de sécurité était prévue. Empêcher la distribution du soir en faisant incendier les camionnettes de livraison par des partisans. Il me fallait rencontrer le commandant des partisans armés. On me fixe rendez-vous avec lui près du cimetière de Bruxelles. Je m'y rends, en vain. Des rendez-vous qui ratent, cela arrive souvent dans le travail illégal, mais cette fois c'était particulièrement catastrophique. Je finis par joindre une équipe de jeunes partisans. Il est décidé qu'ils incendieront les camionnettes du soir. Mais ils ne réussissent qu'à incendier un seul camion, à cause d'une femme qui, les ayant vus, ameute les passants. L'opération est-elle compromise ? Ses responsables sont inquiets. Car jusque-là, tout s'était déroulé parfaitement, et en dépit du nombre de personnes mises dans le secret, une trentaine en tout, en comptant les jeunes livreurs du faussoir dans les aubettes. Le soir officiel sera donc livré à l'heure prévue. Voilà. Que faire ? Eh bien, la décision est vite prise. Livrer le pastiche plus tôt que prévu. Un extrait à nouveau du film de Willy Atherton et Philippe Delporte en témoigne. À 3h30, cet après-midi du 9 novembre, à Bruxelles, les distributeurs réunis par René Noël s'élancent en direction des kiosques à journaux, la peur au ventre. Ils savent que le paquet qu'ils ont sous le bras équivaut à de la dynamite s'ils se font prendre. Mais la Gestapo n'était manifestement pas au parfum et l'opération de résistance la plus audacieuse dans le domaine de la presse en Europe occupée vient d'aboutir. Les différents auteurs de cet acte de résistance originale se postent près des principaux kiosques de Bruxelles pour avertir les livreurs en cas de danger et surtout pour voir les réactions des premiers acheteurs. Alors ils sont tendus et excités à la fois. Parce que si un coursier se faisait pincer, et si quelqu'un avait cafeté, et si... Mais en voyant les sourires illuminer le visage des lecteurs de ce faussoir, en entendant les rires, en voyant les attroupements se former, les voilà rassurés. La farce, magnifique, zonze, comme on dit à Bruxelles, vient d'aboutir. Et les Bruxellois découvrent, éberlués d'abord, puis hilar et ravis ensuite, ce drôle de soir, ce soir si drôle. Alors l'information se répand comme une traînée de poudre. On se précipite dans les aubettes pour avoir son exemplaire. témoin, cet extrait du film de Gaston Schukense, Un soir de joie, réalisé en 1955. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu es un si drôle d'air, toi? Une édition spéciale du soir, mais n'emballe pas tes harangues dans celui-ci. Mais cache-le, voyons, cache-le, je te dis. Ah, monsieur, je vous en ai donné un déjà, laissez-en pour les autres. Oh, bon, tenez, voilà, merci. Merci, voilà, madame. Merci. Merci. Voilà, monsieur. Merci. Le soir même et dans les jours qui suivent, l'affaire énorme, inimaginable, réjouissante, et sur toutes les lèvres, dans toutes les conversations. Chacun veut lire, chacun veut voir. La secrétaire qui arrive au bureau en sortant de son corsage le journal se voit immédiatement entourée. Idem pour l'ouvrier qui l'a caché au fond de sa casquette et le sort devant ses camarades. C'était alors des cris de triomphe. On faisait cercle et la lecture commençait dans la joie générale, relatera un journaliste. La Belgique tout entière rit. Oui, c'était une libération avant la lettre, comme si la chape de plomb sous laquelle nous étions écrasés se soulevait, dira Adrien van der Brandenderhout. René Noël explique aussi. On n'imagine pas quel événement fut la parution du faux soir. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Il faut avoir souffert pendant 4 ans toutes les misères, toutes les humiliations de l'occupation allemande. Il faut avoir fulminé contre les mensonges de la radio et des journaux embauchés. Il faut avoir pesté contre les collaborateurs, les mouchards et les traîtres pour comprendre quelle revanche signifiait ce pauvre petit bout de papier imprimé, pour comprendre la joie des honnêtes gens et des patriotes devant le ridicule si malicieusement et si audacieusement jeté à la face du Bosch. Les Allemands, eux, rient moins, beaucoup moins. L'affaire remonte même jusqu'à Hitler lui-même. C'est dire, on imagine l'une de ses colères grotesques. Ils se sont ridiculisés à un point qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, les Allemands. Alors, il leur fallait des coupables. Plusieurs personnes, des libraires, des imprimeurs, sont alors arrêtés, mais rapidement relâchés, faute de preuves. Pour le Front de l'Indépendance, c'est un succès sur toute la ligne. Outre les 5000 exemplaires vendus à Bruxelles dans les kiosques, le reste du tirage, soit 45 000 copies, est parti dans les différentes provinces. La vente de ce numéro a rapporté à la résistance des centaines de milliers de francs. Mais c'est le moment de l'histoire où arrive un mais. Alors que tout à chacun commençait à penser que les Allemands ne remonteraient jamais jusqu'aux auteurs de ce faux soir, l'occupant met la main sur un exemplaire qui n'avait pas été rogné. Sans doute un journal qui avait à l'imprimerie été prélevé par quelqu'un pour vérifier la qualité de l'impression et abandonné quelque part. Les Allemands retrouvent vite leur rotatif coupable. Ferdinand Wellens, l'imprimeur, est arrêté et déporté. Il ne reviendra pas. Tout comme Théo Mullier, qui travaillait à l'imprimerie du Sud et avait fourni l'empreinte du titre. D'autres seront arrêtés, mais eux reviendront. Marc Aubryon, lui, sera torturé, à tel point qu'après la libération, il ne pourra plus se déplacer sans béquille. Si l'histoire est assombrie par ses morts, bien sûr, ses arrestations, ses tortures, elle reste comme un fait marquant de la Deuxième Guerre, comme l'œuvre d'une équipe qui rassemblait des bourgeois et des ouvriers dont, quel que soit leur milieu d'origine, beaucoup étaient au Parti communiste, réunis par un combat partagé contre l'occupant. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, passant écartelé, pour atteindre l'inaccessible étoile. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le fossoir, qui lui aussi a atteint l'inaccessible, comme chantait Jacques Brel. Bonjour Daniel Couvreur. Bonjour Fabrice. Vous êtes journaliste au soir, ça tombe bien, responsable des pages culture, et vous êtes aussi, surtout, vous êtes là à escalité, l'un des auteurs de la bande dessinée Le Fossoir, paru fin 2021, aux éditions Futuropolis. Formidable idée. Quel était le déclencheur de cette idée? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire? Une manifestation fasciste à Bruxelles, en l'occurrence qui s'est produite après les attentats de Bruxelles. Donc il y a eu des attentats dans une station de métro et à l'aéroport de Bruxelles National. Les gens se sont spontanément réunis place de la Bourse pour déposer des témoignages, des messages de paix, des bouquets de fleurs. Et puis, à la fin de la semaine, le week-end, des fascistes se sont réunis à la ville d'Anvers, ont pris le train sous les yeux de la police. On en rejoint d'autres à Malines qui sont venus renforcer les cohortes, toujours sous les yeux de la police. On débarquait en gare du Nord à Bruxelles, toujours sous les yeux de la police, qui les a laissés marcher en rang serré jusqu'à la Bourse, où évidemment ils ont créé la terreur. Donc les gens qui étaient là se sont débandés. Et puis les messages de paix ont été déchirés, les fleurs piétinées, ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça a laissé tout le monde stupéfait parce qu'évidemment, il y avait eu l'émotion des attentats et juste derrière, on a l'émotion d'une marche fasciste. Et je me suis souvenu à ce moment-là, un court-circuit s'est produit dans mon cerveau qui a fait un parallèle avec ce qui s'était produit en 1943 avec le Fossoir, qui a été vendu, comme vous l'avez bien expliqué, dans les kiosques ou les aubettes, comme on dit chez nous, mais aussi sous le manteau, et sous le manteau essentiellement sur la place de la Bourse. Donc c'est le même endroit où on avait qui avait quelque part symbolisé la lutte antifasciste en 43, qui se retrouve de nouveau sous les feux de l'actu en 2016, avec l'histoire, un sentiment que l'histoire bégaye quelque part. Et je me suis dit, tiens, cette histoire de 43, il faut la raconter. Parce qu'à ce moment-là, les gens ne se sont pas laissés faire. Ils ont réagi, ils ont voulu prendre l'occupant à son propre discours avec ce fossoir. Donc chacun doit se dire dans des moments comme ça, je dois mobiliser, je dois réagir. Qu'est-ce que moi, je peux faire tout seul dans mon petit coin? Est-ce qu'il y a quelque chose? Avec mon savoir-faire. Voilà, et nous, voilà, votre exactement. Savoir-faire, c'est exactement. Des journalistes voilà. et historiens. Il reste quelques nostalgiques de Léon de Grelle en Belgique, aujourd'hui? Dans les milieux d'extrême droite, outre la Belgique, ça reste un personnage mythique, hein, quelque part, parce que d'abord il a été décoré par Hitler en personne de la Croix de Fer, c'est unique pour un étranger, pour un non-allemand pendant la guerre. Il a une histoire rocambolesque, c'est lui qui a créé la Légion SS Wallonie, il s'est battu donc sur le front de l'Est, donc ce n'est pas seulement un beau parleur et un bel homme, parce qu'il était surnommé le Beau Léon, c'était aussi un homme d'action. Alors, au moment où ça tourne mal pour lui Il s'enfuit vers la Norvège. En Norvège, il réussit à trouver un avion allemand, un Henkel, avec lequel il va traverser toute l'Europe. On est en 44, pourtant, pour aller atterrir en catastrophe en Espagne, où il va se réfugier, évidemment, dans l'Espagne franquiste. Il ne sera jamais extradé, parce que Franco va refuser, parce que la Belgique, c'est vrai, n'a jamais... C'était un peu embarrassant de le voir revenir et de faire son procès, donc ça embêtait autant les autorités belges qu'il soit là-bas que de le faire revenir. Donc on l'a laissé tranquille là-bas, il est mort en exil, et il a continué à faire beaucoup parler de lui, à faire beaucoup d'agitation dans les milieux d'extrême droite, et notamment autour aussi de la personnalité de Tintin et d'Hergé. En Belgique, alors cette histoire que nous avons racontée, est-ce qu'elle est encore très connue? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend en classe, par exemple? Non, c'est pas... Je vis dans un pays où on n'a pas le même sentiment, la même fierté nationale qu'on ne peut l'avoir en France ou dans d'autres pays du monde. Oui. Quelque part, on ne l'est même pas du tout, je dois dire. Sauf peut-être en football à certains moments. Mais sinon, c'est vraiment... Donc, nous n'avons pas de fierté nationale, et c'est vrai pour notre histoire, comme pour nos grands artistes, comme pour nos grands inventeurs scientifiques, ou capitaine d'industrie. Et donc non, cette histoire est peu connue. Elle a juste eu une heure de gloire, on va dire, avec le film dont vous avez passé quelques extraits sonores, Un soir de joie, qui est un film des années 50, avec ce défaut que ce film, pour moi, c'est aussi une des raisons qui m'a motivé à faire ce roman graphique, c'est que ce film, c'est un mélange de grande vadrouille, ça parle à tout le monde, et de ce qu'on appelle chez nous le mariage de Madame Beulemans, c'est-à-dire une pièce de théâtre qui est emblématique du parler belge et de l'humour belge. Et ça mélange les deux, et donc c'est une sorte de grosse farce cinématographique. Mais comme vous l'avez bien dit, c'était pas une grosse farce ce soir. Et donc moi, je voulais qu'on en retrouve la subtilité, et c'est pour ça que je tenais à faire ce roman graphique aussi. Au passage, d'où tenez-vous les Belges? Et je crois que c'est pas un cliché, c'est un phénomène culturel. Ça remonte à Magritte, au début du siècle dernier. Ce sens de l'humour et de la dérision. Parce qu'il est partout, regardez chez nous. Nous avons des humoristes, la moitié sont les Belges. Bon, on est bien contents parce qu'ils sont excellents. D'où vous tenez ça? Cette autodérision, ça nous vient en fait. C'est un petit pays. Et non seulement c'est un petit pays, mais c'est un petit pays avec une double culture, ce qui est assez original. Il n'y a qu'un seul pays dans l'Union européenne qui a deux langues officielles, trois même, parce qu'on a même l'allemand aussi, alors qu'il n'y a que 60 000 germanophones dans le pays. Mais nous avons donc trois langues officielles. Donc c'est un pays qui n'a donc pas ce sentiment, comme je l'ai dit un instant, national ni unitaire, même si notre devise c'est l'union fait la force. C'est peut-être pas pour rien que cette devise-là, parce que dès le début, notre premier roi, Léopold Ier, était convaincu que le pays ne durerait pas plus que 3-4 ans, c'est vous dire. Et en ce sens, quand vous parlez de ça, cette autodérision vient aussi du fait que nous savons très bien que nous sommes fragiles. On a été bourguignon, on a été hollandais, on a été espagnol, on a été allemand, bien entendu, on a été français. Donc tout le monde nous a occupés, et donc on a toujours regardé ces occupants orgueilleux qui ne faisaient que passer avec un sourire en coin en disant, on attend le suivant, et quelque part, ça nous a appris à voir les choses avec un certain détachement. Voilà. Alors, sur les conseils d'Audit Conseil, j'ai essayé de bien prononcer les noms belges, j'espère que ça fonctionnait. Alors, il y a Zwanze. Qu'est-ce que c'est que le Zwanze? C'est la Zwanze. Oui, la Zwanze. Comment on dit exactement? La Zwanze. Ah bon? C'est pas parce que j'ai dit Zwanze derrière. Et ça faisait plus belge. Et on dit aussi un Zwanzeur ou une Zwanzeuse. D'accord, je note. La Zwanze, c'est la blague à la belge, et le Zwanzeur et la Zwanzeuse, forcément, le blagueur et la blagueuse. Et donc, c'est une forme d'humour provocateur. Et donc, c'est aussi, ça rejoint ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire, c'est un mot qui désignait, par exemple, la façon dont on se moquait de l'occupant espagnol. Une des figures légendaires du pays, c'est Taylor Eulenspiegel. Et Taylor Eulenspiegel, c'est un jeune enfant qui provoquait sans cesse les autorités occupantes, qui à l'époque étaient espagnoles, parce que nous étions rattachés à cette époque-là aux Pays-Bas espagnols. Et donc, c'est cette forme d'humour de ne pas avoir peur de l'autorité, pas avoir peur du puissant, et oser, quel que soit son âge, son statut dans la société, le provoquer et s'en prendre à lui. Voilà. Bon, quand je vais croiser Alex Vizorek, je dirais, alors le Zwanze, comment va-t-il? On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Lana Del Rey, Watercolor Eyes. Why you always doing that? Breaking up with me, then making up just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me alone. Daniel Couvreur, parlons pour terminer de nos résistants, hein, ceux dont on vient de raconter le courage. Tous ces résistants étaient membres du Front de l'Indépendance. C'était le principal mouvement de résistance, celui-là ou pas ? Oui, oui, c'est le plus important. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de membres en Belgique. Il était effectivement, on peut dire, d'obédience majoritairement communiste. Mais oui. En fait, c'était un vaste rassemblement dans lequel il y avait aussi des régionalistes, des libéraux, des antifascistes, des socialistes. Enfin bref, c'était majoritairement communiste parce que ça s'est mis en route quand Hitler a déclaré la guerre à la Russie. Et quelques mois plus tard, surtout, l'afflux de militants s'est manifesté quand le travail obligatoire en Allemagne a été imposé par l'occupant, c'est-à-dire en octobre 1942. C'est là que le mouvement a vraiment décollé. Alors il y a ceux qui ne sont pas revenus, malheureusement, et c'était souvent le cas chez les résistants. Bien sûr, on connaît les victimes, il y a ceux qui s'en sont sortis. Que sont-ils devenus les Demagny, René Noël, Balancourt ? Alors, est-ce qu'en Belgique, ils sont reconnus comme des résistants ? Est-ce que ce sont des noms qui forcent l'admiration ? Est-ce que le pays leur a rendu l'hommage mérité ? Car ça n'est pas toujours le cas avec les résistants de tout pays. Non, on peut dire ici clairement non. Même si certains ont eu une reconnaissance, on va dire, politique dans l'immédiat, mais vraiment dans l'immédiat après-guerre. Donc pour ceux qui ont eu... Il y en a qui sont retournés dans l'anonymat, donc je ne vais pas parler de ceux-là, mais je peux dire quelques mots sur ceux qui ont eu une destinée, on va dire. Demagny, ça c'était le grand bonhomme, évidemment. Il était déjà grand reporter au soir avant. C'était un homme engagé. J'aimais bien... Je vais citer une des plus belles phrases qu'il a dites. Il dit « Je n'appartiens... » parce qu'il a été au Parti communiste et au Parti socialiste, mais à la fin de sa vie, il a dit « Finalement, je n'appartiens qu'au Parti des hommes libres et sans chaîne ». Et ça définit parfaitement le personnage qui a toujours été entier. Et s'il a été au Parti communiste, il l'a quitté, parce qu'à un moment donné, quand il y avait une ligne trop dogmatique, il reprenait sa liberté de parole, et évidemment, il était exclu. Et lui, il était brièvement ministre de la Résistance et de l'Information, juste après la libération, pendant 3 mois. Mmh. Et puis, après ça, il a été député communiste un certain temps, et puis il a continué une carrière dans la presse de gauche et d'extrême gauche. Un autre qui a eu une belle carrière, je vais plutôt citer une autre parce qu'on ne pourra pas tous les faire, hein, notre temps est compté, oui. Mais moi j'ai particulièrement une admiration pour André Grandjean, qui est une femme extraordinaire. André Grandjean. Oui, c'est celle qui a trouvé l'argent. Oui, qui avait trouvé l'argent, absolument. Des 50 000. Oui, tout à fait, mais pas seulement. Qui a aussi eu l'idée, il faut que dans ce journal, puisqu'il y a une bande dessinée tous les jours dans le Soir allemand, il n'en avait pas prévu, il faut qu'il y ait une bande dessinée, qui a eu l'idée, il faut ce ton fin, il ne faut pas une grosse farce, parce que Aubryon, qui avait eu l'idée de base, était parti dans une sorte de journal pamphlétaire, or c'est pas ça qu'il voulait faire, il voulait un humour plus subtil, donc elle est vraiment derrière la ligne éditoriale, elle était, comme on l'a dit, effectivement impliquée dans d'autres journaux de la Résistance, mais elle elle a fait toutes sortes de choses fabuleuses pendant sa vie. Donc pendant la guerre, elle a été aussi, elle abritait des gens chez elle. Elle a été dénoncée, elle a dû entrer dans la clandestinité, aller se réfugier à Anvers au lieu de Bruxelles. Puis elle s'est inscrite au front de l'indépendance, où elle s'est occupée de la presse, où elle s'est occupée du fossoir. Après la guerre, elle est redevenue avocate et elle a plaidé dans une affaire extrêmement importante en Belgique et en Europe d'ailleurs, parce que c'est maintenant, ça fait partie des lieux de mémoire européens, au charbonnage du bois du Casier, où il y a eu, qui est la plus grande catastrophe qui ait jamais eu au plan de l'industrie minière en Belgique, avec un nombre de morts qui était de 262. Et donc, elle a défendu les veuves de mineurs, parce qu'on voulait rien leur accorder. Officiellement, personne n'était responsable de cette catastrophe. Et c'est elle qui a fait les plaidoiries. Donc, c'est vraiment une femme engagée du début à la fin de sa vie. Une figure remarquable. Entendre plus comme en temps de guerre. Oui. René Noël, on arrêtera avec lui. René Noël, une petite, lui, il venait d'un milieu syndicaliste et donc on va dire une petite notoriété parce que il a milité au Parti communiste aussi. Il a été député communiste une petite vingtaine d'années, de 1954 à 74. Et je dirais pour finir que il a été une figure moins connue chez nous, mais quand même essentielle dans ce qu'on a appelé l'émergence du sentiment régional wallon. Le peintre Léon Navez est à peine évoqué, il a joué un rôle lui aussi. Ah, lui, il a pris énormément de risques puisque son atelier, qui se trouvait au cœur de Bruxelles, près du palais de justice de Bruxelles, était le lieu de rassemblement, de rendez-vous pour les réunions importantes du Front de l'Indépendance, indépendamment même du Fossoir. Donc, pour que ces réunions aient lieu chez vous, il faut assumer, évidemment. Il a heureusement échappé pour lui à la répression et il est devenu professeur dans une école d'art très célèbre à Bruxelles qui est la Cambre, membre de l'Académie royale de Belgique aussi, et par ça, c'était un des fondateurs du mouvement qu'on appelle le Nervia, qui était un mouvement de peintres idéalistes, et pas avant-gardistes ni surréalistes, mais idéalistes. Ils se définissaient de cette manière. Le dernier dessin, je crois, la dernière planche de votre BD est un hommage qui lui est rendu, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Il avait pris le risque, encore un risque insensé, puisqu'on ne sait pas qui était derrière cette opération du Fossoir, je veux dire côté allemand et pendant la guerre, évidemment, aujourd'hui on le sait. Mais il avait peint un tableau où on représentait les trois figures qu'il jugeait importantes dans l'aboutissement de cette idée. Et ce tableau a été exposé dans la rédaction d'un journal d'extrême gauche dont a fait partie après la guerre Fernand de Manny, qui était le drapeau rouge, et puis il a disparu. Et donc, on ne sait pas ce qu'est devenu ce tableau. Il était exposé encore en 49 dans cette rédaction, et tout le monde ignore sa destinée. Peut-être qu'il a été détruit. Et donc, Christian Durieux, le dessinateur du roman graphique du Fossoir, a voulu rendre hommage à Léon Navier en repeignant quelque part ce tableau comme conclusion de la bande dessinée. Alors, dernière question, c'est aussi dans le soir volé, donc sous l'occupation, que paraîtront l'étoile mystérieuse, le secret de la licorne, le trésor de Racable Rouge. Alors, j'ai été plutôt du mauvais côté de la barrière, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il était collabo? Pour moi, non. Évidemment, ça se discute toujours, mais je prends mes responsabilités. Si je dis non, je vais essayer de dire en quelques alors, mots. Pour vraiment, 35 secondes. Voilà. D'abord, parce qu'il avait refusé de faire un supplément pour la jeunesse dans Le Pays réel de De Grelle. Et il a préféré le faire dans Le Soir. Donc, le pays réel, c'était clairement un journal fasciste. Le Soir, on ne savait pas au moment où il dit oui, c'est 40, on ne sait pas ce que les Allemands vont en faire. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est parce que, justement, il y a un épisode de l'Étoile mystérieuse avec un strip, on va dire, de nature antisémite, des marchands, des boutiquiers qui sont sur le trottoir et qui prononcent des paroles malheureuses, on va se faire de l'argent avec la fin du monde. Ce strip, il a lui-même, sans que personne lui demande jamais rien, il l'a publié dans Le Soir volé, mais il n'apparaît pas dans l'album, il a lui-même refusé de l'y mettre. Donc débat nuancé. Merci infiniment, Daniel Couvreur, pour les informations que vous nous avez apportées sur cette belle histoire, ce beau moment de courage résistant, en l'occurrence en Belgique. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Fossoir, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselin.